Chapitre 6e. Par une belle matinée d'août, George Leland entre dans une petite boutique où il demande le chemin de St. Albans Court. Il arrive à la maison qu'on lui a désignée, monte deux étages et frappe. Un groom d'une dizaine d'années vient ouvrir. « Monsieur Trevenock ?» demande le visiteur. Mais avant que le groom ait eu le temps de répondre, un commis sort d'une porte voisine. Heureusement que l'amour et l'antipathie à première vue ne se manifestent pas toujours, car si l'on cédait à l'un ou à l'autre sans examen, l'équilibre du monde pourrait en souffrir. Sans savoir pourquoi, le capitaine Leland éprouva une véritable répulsion pour ce nouveau venu, tout en lui déplaisait. Il est cependant d'assez belle taille, sa mise est irréprochable, ses manières n'ont rien de vulgaire, mais il a les yeux rouges, le teint sanguin, les lèvres épaisses et sensuelles, les dents larges, les cheveux à cajou et huileux. Sa physionomie avide et sardonique trahit clairement cette pensée. Est-ce un nouveau pigeon à plumer? Qui est-il? Apporte-t-il de l'eau au moulin? Monsieur Trevenock, demande de nouveau le capitaine, puis il ajoute, je n'ai pas de rendez-vous avec lui, mais s'il est seul, j'espère que je pourrai le voir. Monsieur Mulford, le commis dont nous venons d'esquisser le portrait, fait mine d'hésiter, entre dans une pièce voisine, revient et dit au capitaine, « Monsieur Trevenock peut disposer en ce moment d'un quart d'heure. Il attend un client à midi. Qui annoncerai-je ? Le capitaine Leland. » Il lui semble étrange qu'un commis veuille bien daigner remplir ce rôle d'introducteur. Il est évident que le groom et le commis constituent tout le personnel de ce cabinet d'affaires. George Leland songe à Florence, en apercevant un homme chauve, à large favori, assis devant son bureau et tout absorbé par le polissage minutieux de ses ongles en amande. Il songe à Florence en voyant la fenêtre par laquelle on a menacé de la jeter. « Veuillez vous asseoir, » dit M. Trevenock au capitaine. Il dépose la lime sur la table, en attendant que son nouveau client expose son affaire. C'est vraisemblablement un individu qui a besoin d'argent et qui a entendu parler de l'habileté de M. Trevenock en matière de lettres de change. « Je dois vous dire que ce n'est pas une question d'affaires qui m'amène, mais un motif beaucoup plus délicat. « Ah !» se dit M. Trevenock en lui-même. « Il a besoin d'argent, évidemment. « J'ai l'honneur depuis 4 mois d'être le pensionnaire de Mme Trevenock. « Vraiment ?» répond M. Trevenock. « Mes filles m'avaient dit en effet que leur mère voulait prendre un pensionnaire, ce qui finit infailliblement, ne vous en déplaise, par coûter plus que cela ne rapporte. Ainsi donc, vous êtes l'individu qui avait répondu à l'annonce du Times. Ma fille cadette m'a parlé de cette affaire. » Le ton de M. Trevenock n'est plus aussi courtois. Il suspecte le pensionnaire de la Villa des Roses de quelque intention diabolique. Qui sait si ses filles n'ont pas trouvé un nouveau moyen de l'exploiter? Il reconnaît bien là une des machinations de Florence. « Permettez-moi de vous demander ce qui m'attire l'honneur de votre visite. Je suis venu vous dire que votre fille, Mademoiselle Barbara Trevenock, a agréé favorablement la demande que je lui ai faite de devenir son mari. Madame Trevenock a ratifié nos vœux, et j'ai cru qu'il était de mon devoir de me présenter chez vous, pour vous apprendre cette nouvelle avant mon départ pour les Indes. Vous allez aux Indes, très prochainement. Ma fille vous accompagnera-t-elle ? Non. L'état du pays où je suis appelé ne me permet pas malheureusement de pouvoir réclamer cette faveur. Nous attendrons des temps moins troublés. Il faudra peut-être 2 ou 3 ans avant que nous puissions réaliser nos vœux les plus chers. Madame Trevenock en a fait une condition formelle. J'espère qu'alors je pourrai offrir à ma femme des jours de paix et de bonheur et une existence confortable. » Le capitaine baissa la voix en prononçant ces derniers mots, s'imaginant que peut-être M. Trevenock était blessé de cette temporisation, lorsque lui-même avait laissé tomber sa femme dans la misère et l'avait forcée à déroger. M. Trevenock écouta le capitaine d'un air aussi placide que s'il n'eût pas eu le moindre reproche à se faire. « J'avais en effet, ce me semble, quelque droit à cette confidence, si tardive qu'elle soit. Mais je suis forcé de vous avouer que je ne trouve pas cet horizon brillant pour ma fille Barbara, qui est une personne douée de tous les dons et qui peut porter ses regards très haut. » Le capitaine se demanda dans son fort intérieur vers quel point élevé elle pourrait diriger ses regards, si ce n'était l'impérial de l'omnibus de Camberwell. Cette union vous semble évidemment au-dessous des mérites de Mademoiselle Barbara. Sa beauté et ses charmes sont exceptionnels, comme vous le dites. Mais elle mène une vie retirée, obscure, ignorée, et j'ai l'honneur d'être le premier qui est aspiré à l'honneur de sa main. Je pense qu'il est absurde à son âge de s'enchaîner ainsi. Je regrette de vous blesser, capitaine, mais je ne saurais donner mon approbation à un projet qui, à mes yeux, ne se recommande que par l'imprudence. Se fiancer à 19 ans à un officier qui part pour aller faire la guerre aux Sikhs, qui peut être tué dans quelques mois, qui peut revenir ou ne pas revenir dans 3 ou 4 ans, c'est de la folie. Barbara ne doute pas plus de ma constance que moi de la sienne. Il m'a semblé qu'il était de mon devoir de ne pas quitter l'Angleterre sans me présenter chez vous. Mais moi, qui sais votre indifférence radicale pour le sort de vos enfants, je m'étonne, permettez-moi de vous le dire, de trouver chez vous cette opposition à projet qui n'a rien que d'honorable. « C'est une impertinence, monsieur, » dit M. Trevenock, en ressaisissant d'une main nerveuse sa lime à ongles. « Oui, je vous le répète, j'avais pour ma fille de plus hautes ambitions. » Votre sollicitude pour son avenir aurait de quoi la surprendre. Je n'étais pas tenu, que je sache, de lui révéler mes espérances. Mais après tout, puisqu'elle a choisi sa voie, eh bien qu'elle la suive. Je vous souhaite toute prospérité dans votre carrière militaire, capitaine, et une inviolable fidélité à un projet que je considère à la fois comme prématuré et inconsidéré. J'espère que l'avenir vous donnera tort. » Le capitaine ouvrit la porte avec tant de précipitation qu'il se trouva nez à nez avec le commis si bien dressé qu'il avait introduit dans le cabinet de M. Trevenock. Cet animal-là écoutait aux portes, se dit à lui-même le capitaine en descendant 4 à 4 l'escalier. Il avait donné rendez-vous aux deux sœurs chez un pâtissier, et il les trouva installés devant une table de marbre, dégustant lentement de glaces panachées, fraises et vanille. « Eh bien ?» dit Florence au capitaine d'un ton interrogatif. Barbara ne soufflait mot. Ce fut néanmoins à elle qu'il s'adressa en disant « Votre père a des vues plus élevées sur vous, Barbara. » Elle ouvrit les yeux démesurément et répondit « Qu'a-t-il voulu dire par là ?»« Que vous êtes assurée de trouver une position plus brillante que celle que je puis vous offrir. » Et un mari plus sûr de son avenir que ne l'est un officier de la Compagnie des Indes. Je dirais que mon père déraisonne, s'il était permis de parler aussi peu respectueusement de l'auteur de nos jours. Rassurez-vous, je lui fais entendre que nous sommes fiancés et que nous n'attendrions pas son consentement pour nous marier. Tout à coup, Florence demanda au capitaine : Que pensez-vous du commis de papa ? Et vous-même, qu'en dites-vous ? Je le déteste. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais je le déteste, dit-elle en accentuant chaque syllabe et en laissant voir ses dents serrées les unes contre les autres. « Et moi aussi, à tort ou à raison, » reprit le capitaine. « Il m'a inspiré une antipathie instinctive. Je ne sais pourquoi je me méfie de ce garçon-là. Y a-t-il longtemps qu'il est chez votre père ? 3 ans. Mon père a, je crois, l'intention de l'intéresser dans ses affaires. Depuis que je fréquente ce cabinet, je n'ai jamais rencontré qu'une femme âgée portant un chapeau qui ressemble à un seau à charbon éprouvé par un long service. Papa dit qu'elle a eu jadis une immense fortune, dont elle a été dépossédée injustement et dans laquelle il veut la faire rentrer. Mais connaissant l'homme et son commis comme je les connais, le sort de cette pauvre femme me rappelle celui de la reine Jézabel, que des chiens dévorants se disputaient entre eux. « Ce pourrait être une affaire beaucoup plus importante qu'on ne le suppose, » dit le capitaine, sur qui l'impression produite par son futur beau-père n'était rien moins qu'agréable. « Pourvu que cette entrevue avec mon père ne vous ait pas découragé, » balbutia timidement Barbara. « Quand on aime comme je vous aime, il ne pourrait y avoir d'ombre au tableau. »« Que vous êtes bon ?»« Non, ma chère, dites que je vous aime. »